rock and roll man. Je le savais, je le sentais, j'étais un rock and roll man. On l'appelait le king of rock and roll, il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom et les filles devenaient folles. C'était un rock and roll man. C'était un rock and roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Ce rock and roll man. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux lorsqu'il chantait. Le rock and roll. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait. Pour lui c'était la dernière chance. Oui, d'être un rock and roll man. Oui, d'être un rock and roll man. Et il chantait, oui, il chantait. Le rock and roll. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux. Comme sa vie, une course folle. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Et c'est sa vie, et c'est ma vie. Le rock'n'roll man. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux.